qui ne bat que pour toi, mon ange. Nanyangwa tumbi, elanga ya l'amour. Et pas na kona kaba sentiment ya affection nanga. Motemeza ebendete, eza mosuli. Maman Carole, Agidou. Nanyangwa tumbi, elanga ya l'amour. Et pas na kona kaba sentiment ya affection nanga. Motemeza libangate, ebendete, eza mosuli. Comico Luca como manga y susu se ne pamo Libanda e loco es a la carte ya solo mer es a la carte Padio pometa kinga wa piango Yosuki singa kaka na purgatoire Nazwa ki alu ya moto azu délivrance Papotanyo soa kala e komia enseigne Jojo mandiki. Est-ce que na kozwa pongi alita chamala? Est-ce que na Coca-Cola la? Loin de toi, danger. Guiboko Polo, kude ratakate. Kuna namboka souci payozwa kinga. Batandelinga maboko polele. Souci a pesinga zi le gratuite mo jojo. Yonanga moya bonheur obriko yo kelilu nanga. La caca esclave à déception. Alors que Nazala qui a franchi. Elle non, non, non, non, non, oui, mais ma wa. Rends-moi ton amour. Qui fait ce débat la plus joyeuse. N'a pas joie et rignosse à mode. Y'a la plus précieuse des alinons. Mais sinon, il est l'air. ngai mon amour nga na yo tobala ki mapasa mama na biso bolingo loin de toi les affaires du monde.